Francoville Radio, il est 18h. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la nouvelle édition de notre journal. International. Russie 2012. Vladimir Poutine encore et toujours. Comme prévu, Vladimir Poutine a remporté dimanche dernier avec près de 64% des voix la présidentielle russe dès le premier tour. L'ancien président, puis premier ministre, retrouve son bureau du Kremlin pour 6 ans, avec la possibilité de se représenter encore une fois en 2018. La planète accueille sans surprise cette victoire annoncée. National. Obtention pour la Serbie du statut de candidat à l'Union européenne. Plus de 2 ans après avoir frappé à la porte de l'Union européenne, la Serbie a obtenu jeudi dernier le statut de candidat. Les dirigeants européens ont décidé de récompenser Belgrade pour ses efforts de conciliation avec le Kosovo et l'arrestation de Ratko Mladic. Culture. Dentelle raciste. La justice belge a rejeté l'interdiction de la vente de la bande dessinée de Hergé, Tintin au Congo. Cette interdiction avait été demandée par l'écran, conseil représentatif des associations noires. Son président, Louis-Georges Tain, dit que même si Hergé lui-même n'était pas raciste, l'ouvrage a été composé dans une époque colonialiste, et aujourd'hui on ne peut pas se retrancher derrière ce contexte historique. Médias. Facebook inaccessible ce matin. Le plus célèbre site de réseaux sociaux Facebook a cessé de fonctionner ce matin durant 3 heures. Il n'y a pas d'informations concernant ce qui s'est exactement passé, mais certains commençaient déjà à parler d'un attentat de la part des fameux hackers d'Anonymous. Tennis. Défaite du champion du monde. Novak Djokovic subit hier sa première défaite de l'année. Le numéro 1 mondial s'inclinait face au Britannique Andy Murray en 2-7, 6-2, 7-5, en demi-finale du tournoi de Dubaï. C'est le premier match qu'il perd après 10 victoires d'affilée en 2012.